Cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wa qawluhu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي هاتين الآيتين إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. Dans ces deux versets, et c'est pour cela que l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi les a cités dans sa aqidah, pour montrer à Allah Azza wa Jal, il a l'attribut des mains. Qawluhu lima khalaqtu biyadayya wa qawluhu bal yadahu mabsutatan. Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, qawluhu ma mana'aka an tasjuda. Al-khitab li Iblis la'anahu Allah, lamma amtana anis sujud li Adam alayhi salam. Ay, ayu shay'in sarafak wa saddak anis sujud. قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد هذا خطاب لإبليس أي الله سبحانه وتعالى il a parlé à Iblis فقال له ما منعك أي c'est quoi qui t'a empêché de te prosterner لما خلقت بيدي أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة أي الله سبحانه وتعالى il a créé آدم عليه الصلاة والسلام de ses mains. فالله سبحانه وتعالى لا دم عز وجل قال وفي هذا تشريف وتكريم لآدم نعم فالله سبحانه وتعالى لا كري آدم avec ses mains أما les autres êtres humains فالله سبحانه وتعالى les a pas créés avec ses mains هذا تشريف وتكريم لآدم فهذا c'était que pour آدم فالله سبحانه وتعالى il a élevé آدم. C'est le premier être humain. Et Kadhalik, c'était un prophète parmi les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservées à Adam, il l'a créé avec ses mains, azza wa jal. Le deuxième verset, قوله الشاهد يد الله مغلولة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل أي اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة فأخزاهم الله. Ils ont accusé Allah سبحانه وتعالى بأن يده مغلولة أي اتهموه بالبخل. Ils ont accusé Allah سبحانه وتعالى d'être avare, أي de ne pas donner. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء لأنهم يعنون أن يده موثقة. نعم يد الله مغلولة أي أن الله سبحانه وتعالى يدنبا. قال غلت أيديهم أي الله سبحانه وتعالى قال غلت أيديهم فكم إذن أكزي الله سبحانه وتعالى دتخبار الله سبحانه وتعالى حكم عليهم أن ما من يهودي إلى هذا الوصف أي لفاريس. فلهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوه ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوه وهكذا وقع لهم. نعم et c'est vraiment arrivé. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. فلهذا il a rendu chaque يهودي على هذه الصفة أي chaque juif il a cette caractéristique. قال الشيخ الفوزان وإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله. من أبخل خلق الله ما من يهودي et tu trouveras أن هؤلاء القوم أخزاهم الله ليجبف أنهم سمن أبخل خلق الله. Ils sont très très avares. وهذا c'est معروف عند الجميع. C'est pour ça que c'est devenu un مثل عند الجميع. C'est devenu un exemple. On dit مثلاً فلان il est avare ou il est radin comme un juif. لماذا؟ لأنه c'est حاصل. Allah subhanahu wa ta'ala قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Allah subhanahu wa ta'ala حكم عليهم أن ما من يهودي il aura cette caractéristique et l'avarice, et كذلك لعنهم إلا زعمودي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بعد ذلك نختصر ونغزم الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته ليست كيدي المخلوق ليس كمثله شيء. Donc on retire de ces deux versets أن الله سبحانه وتعالى إلى deux mains. يدان حقيقيتان, c'est des vraies mains. Pas comme ils ont expliqué Ahlou al-Tahrif ou al-Zayr, anna al-Murad bil-Yadayn, c'est al-Quwa, la force, ou al-Ni'ma, les bienfaits. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des vraies mains. La'iqatan bi-jalalihi wa azamatihi. Quand on dit des vraies mains, yadan haqiqiyatan, on répète et on se répète souvent fi hadha al-bab, ne pas faire la comparaison avec le makhlouq. L'insan, il n'a jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il n'a pas d'information comment elles sont ses mains. On n'a qu'une information. Ben, fil haqiqa, deux informations via hadha al-bab, que Allah, il a l'attribut. Matalan, on a des mains. Ben, on dit Allah, il a des mains. Et on a une autre information fil Qur'an al-Karim, annahu laysa kamithlihi shay. C'est pour ça que Cheikh al-Fawzan, il a cité les deux. Anna vihima ithbat al-yadayn. Et avec les versets que l'imam Al-Taymiyyah, rahimahullah, il a cité. Donc on affirme, on a la conviction, la croyance, أن الله جل وعلا, il a deux mains. On a une autre information, أن ses mains ne ressemblent pas aux mains des créatures. لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَيْءٌ. Donc, on doit rester sur cette voie droite. هذا الطريق الواضح مذهب السلف في هذا الباب العظيم. قال وفي ذلك الربط على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم فقوم من أهل البدع وهم الأشاعرة زعموا ils ont prétendu أن المراد باليد أن الله سبحانه وتعالى لما قال بل يداه مبسوطتان أو قال بيدي هم ils ont dit c'est pas des mains, des vraies mains. Pourquoi? لأن القوم دائما, et c'est la raison de leur égarement, بعد تقدير الله عز وجل, أنهم ils font la comparaison avec la créature. فقالوا, si on dit c'est des vraies mains, c'est une ressemblance à la créature. هذا c'est باطل. Pourquoi? لأن الله عز وجل il nous a informé qu'il a des mains et il nous a informé qu'il ne ressemble pas aux créatures. Fallait mal faire la comparaison. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset, لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَيْءٌ, pour fermer cette porte. حَتَّى personne ne pense, personne ne croit que affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique de faire ressembler Allah عز وجل à sa créature. Et ils ont expliqué, ou ils ont déformé, ils ont interprété l'attribut de la main qui est cité dans ces deux versets avec Al-Qudra ou Al-Ni'ma. Al-Qudra, c'est la capacité. Allah, il est ala kulli shay'in qadir. Kadhalik, on peut rajouter ici Al-Quwa, la force. Ou Al-Ni'ma. Al-Ni'ma, c'est les bienfaits. Wa hadha ta'wilun batilun wa tahrifun lil Qur'an al-Karim. C'est un ta'wil batil, c'est une explication fausse. Et on va lire Kalam Cheikh Al-Fawzan, annahu il a expliqué pourquoi. وَتَحْرِيفٌ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَتَقَدَّمَتْ مَعَنَا une قَاعِدَ عَظِيمَ dans nos livres précédents, أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ c'est de laisser les textes comme ils sont. Allah subhanahu wa ta'ala قَالْ بَلْ يَدَهْ مَبْسُوطَتَانِ. Est-ce que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ذَكَرَ الْقُوَّةِ, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité la force? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité les bienfaits? لا, قَالْ بَلْ يَدَهْ. Allah subhanahu wa ta'ala, هنا, il a affirmé que ses deux mains mabsoutatan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Il a deux mains, azza wa jal. قال حفظه الله فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة. C'est ça le mourad. C'est le mourad en Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi sifati al-yad. Ou bi sifati al-yadayn. Et sifatu al-yadayn, c'est min al-sifat al-dhatiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu deux mains. Et il aura toujours deux mains. C'est min al-sifat al-dhatiyya. التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا قال إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لا بطل تخصيص آدم بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته خلقتي المخلوقات وهذا سنرد طيب أي لفت دو دير عند قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي Donc هم ils disent هنا أن الله سبحانه وتعالى il a voulu dire لما خلقت بقدرتي أو بقدرتي si on garde le même لفظ أي المثنى أي deux mains donc هم ils disent هنا c'est la capacité شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال هذا c'est faux pourquoi لأن لو كان المراد باليد القدرة سي هنا l'explication de la main ça serait la volonté ففي الحقيقة il n'y aurait aucune différence entre Iblis et Adam pourquoi Iblis لعنه الله il a envié Adam لماذا à cause de l'orgueil etc الله سبحانه وتعالى قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي Ça montre qu'il y a une différence énorme entre Iblis et Adam. Et Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé avec ses mains. Et Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك, il l'a créé. Lakin, il ne l'a pas créé avec ses mains. Et il l'a créé bi qudratihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait la capacité de créer Iblis et il l'a créé. Kun, fayakun. Comme toutes les créatures. فلهذا قال الشيخ الفوزان, إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون, لبطل التخصيص آدم بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي يغي أكن ديفيرانس مثلا قوله عز وجل ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي فإبليس يغي pu répondre أنا كذلك tu m'as créé avec tes mains لكن qu'est-ce qu'il a répondu Iblis خلقتني من نار وخلقته من طين il s'est enorgueilli et il a pensé que جنسه أي, le fait qu'il soit créé de feu c'était meilleur que le fait que Adam il soit créé de من طين d'argile وهذا c'est باطل قال حفظه الله فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد به بها القدرة وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان deuxième chose on a fini la première on a expliqué les mains par la capacité هنا c'est باطل pourquoi لأن الله سبحانه وتعالى il a créé Adam de ses mains de ses propres mains جل وعلا أما les autres créatures Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés kun fayakun. Il les a pas créés avec ses mains. Ça montre, on a une différence entre Adam et Iblis. Amma, si ça serait le Qudra, il n'y aurait aucune différence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam avec le Qudra, sa capacité. Et كذلك, Iblis, il a été créé bi qudratillahi azza wa jal. La deuxième, vous avez remarqué que dans le verset, qala azza wa jal, lima khalaqtu bi yadayya. Et biyadiya en arabe c'est la dualité. Ay dum. Il n'a pas dit biyadi. Il n'a pas dit biyadi avec ma main. Là, il a dit biyadiya et avec ses deux mains. Jalla wa ala. Si tu expliques l'un, les deux mains par les deux forces. Ou les deux capacités. Ou les deux bienfaits. Hal hada yastaqim abadan. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرة Est-ce que Allah il a deux capacités Allah il est capable de tout قدرته مطلقة Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux forces Allah subhanahu wa ta'ala il a القوة المطلقة Sa force elle est parfaite On ne peut pas parler d'une, de deux, de trois Allah subhanahu wa ta'ala il a la force Il a la capacité كذلك si on remplace قوله بيديا par les bienfaits comme ils disent certains par un ni'am est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux bienfaits wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont, tu peux pas les compter. Kathir, ils sont illimités. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Fahada, ça nous montre, Anna, le fait que les mains dans le Coran, elles ont été citées, bihadihi sira, ay, sous forme de la dualité, ay, deux mains, fahada, ça montre, Anna, c'est des vraies mains. Qala, حفظه الله تعالى وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك وأيضا une autre réponse لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين وهذا باطل لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط وهذا تقدم معنا أي le fait d'expliquer هنا les mains par ni'ma ça veut dire que Allah il a deux ni'ma وهذا c'est clair que c'est faux et que c'est une interprétation complètement erroné wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-'afiyah hakadha ad-dhalal hakadha celui qui s'écarte de la voie des salaf des choses fil haqiqa la base qui était très très simple Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé qu'il a des mains on dit qu'il a des mains comment elles sont Allahu a'lam est-ce qu'elles sont comme les mains des créatures abadan laysa kamithlihi shay Allah il ressemble pas à la créature et tu t'arrêtes là amma at-takalluf et vouloir chercher absolument le comment et rentrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas et s'écarter de la voie des salafs, même si l'insan indahu dhaka, il est intelligent et il arrive à comprendre très très vite et il a du ilm, lakin si s'écarte de la voie des salafs, ces choses qui sont toutes simples à la base. Les musulmans, ils ont accepté hada depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à l'apparition de haoula ad-dullal. À tous ces musulmans qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après lui, ils n'ont jamais expliqué les mains par al-ni'ma ou al-quwwa ou al-qudra. Ça nous montre que celui qui délaisse la voix du prophète alayhi salatu salam et de ses compagnons radiyallahu anhum et des imams après eux, il n'y a aucun doute qu'il s'égarera et qu'il se contredira dans des choses. Le haqiqa très très simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له كلام جميل في الشرح قال ولكن قد يقول قائل ce forme de question c'est très très bénéfique pour l'étudiant وهذا c'est une des façons de faire une des méthodologies de الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans ce الشرح وتقدم معنا هذا كثيرا Anna, souvent, il cite une question, un problème qu'on peut se poser. Thumma, il répond, rahmatullah alayhi. Qala, walakin qad yaqul qa'il, inna lillahi akthar min yadayn. Li qawlihi ta'ala, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Fa aydina, huna jam'a. Wahad, il peut se poser la question, Anna, fil Qur'an, les mains, elles ont été citées au pluriel. Comme dans ce verset, Aïdina. Et Kanalik, elles ont été citées deux mains, comme on a vu précédemment. Khalaqtu biyadayya bal yadahu mabsutatan. Kanalik, on a un autre verset au singulier. Comment faire, on a? Comment faire pour pouvoir affirmer qu'Allah il a deux mains? Pourquoi on ne dirait pas qu'il a plus de deux mains? Lianna, huna, on a le pluriel. Faqala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala. فالجواب أن يقال جاءت اليد مفردة ومثنى وجمعا. Donc les mains, tu trouveras dans le Coran au singulier. كذلك la dualité, أي deux, et le pluriel. قال أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يفيد العموم. Ça c'est une règle en langue arabe. المفرد, le singulier, المضاف. المضاف c'est, مثلا tu dis بيت الله. Tu dis نعمة الله. نعمة الله. Le bienfait d'Allah. En langue arabe, ni'ma, quand il est mudaf, huna à Allah subhanahu wa ta'ala, yufid al-umum. Tu comprends al-umum, la globalité. Il s'englobe toutes les ni'am. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi. Vous avez remarqué que huna ni'ma, il est au singulier. Et qawluhu la tuhsuha, ça montre que c'est toutes les ni'am. Ils sont innombrables, tu ne peux pas les compter. Donc le singulier, huna, al-haqiqa, tu comprends al-umum. العموم سي لا غلوباليتي اي سانغلوب توت لي نعم فقوله عز وجل اون ريفيان ا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقوله فيشمل كل فيشمل كل ما ثبت لله من يد. ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة مفرد مضاف. C'est ce qu'on vient de citer ensemble. فهي تشمل كثيرا أي سانغلوب beaucoup de نعم لقوله تعالى لا تحصوها. فان revient au verset قال يد الله نقول أي ce verset يد الله نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت لأن المفرد المضاف يفيد العموم. يد الله أي la main d'Allah سبحانه وتعالى هنا tu comprends le singulier أي يد الله العموم أي toutes les mains que Allah il a. Vu qu'on a un autre dalil qui montre qu'Allah il a deux mains, فيد الله المراد هنا c'est les deux mains d'Allah أي l'attribut des mains que Allah سبحانه وتعالى il a. ثم le nombre tu le comprends avec l'autre verset. قال أما المثنى والجمع فنقول إن الله ليس له إلا يدان اثنان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. أولا pour bien comprendre ce sujet tu dois connaître les preuves. Si tu as des preuves comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains, tu diras qu'Allah il a deux mains. قال ففي الكتاب في سورة الصاد قال لما خلقت بيدي نعم. Et d'autres versets بل يداه مبسوطتان. Les versets que l'imam Al-Taymiyya رحمه الله il a cité. أما السنة قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى وقال صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. Pour comprendre le Coran, il faut revenir à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قال le verset ou qui a au pluriel نعم مما عملت أيدينا. Ça c'est au pluriel. Pour comprendre ce pluriel, tu dois revenir à la sunna. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. Ces deux mains, c'est des mains droites. Et dans l'autre verset, والأرض بيده الأخرى. نعم يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. Allah سبحانه وتعالى pliera les cieux avec sa main droite et les terres avec son autre main. Ça nous montre qu'il a deux mains. Et dans l'autre hadith, ces deux mains, c'est des mains droites. وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. Et كذلك l'unanimité des salaf, des compagnons رضي الله عنهم et ceux qui sont venus après eux, أن الله سبحانه وتعالى il a deux mains. بقي le pluriel. الله سبحانه وتعالى قال أيدينا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فنقول الجمع على أحد الوجهين. Comment comprendre ce verset? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a cité al-jam'a? Ay le pluriel. قال فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان. En langue arabe, بعض العلماء يقولون, des savants de la langue arabe, ils disent أن le pluriel en langue arabe ça commence à deux. Ay le plus bas dans le pluriel c'est deux. Donc deux c'est le pluriel. Trois c'est le pluriel إلى آخره. Donc, si on dit que le pluriel le plus bas, ça commence par deux, قولو مما عملت أيدينا le pluriel, هنا, c'est deux. Vu que deux, كذلك, c'est un pluriel. Et on a un pluriel et on a un autre verset qui montre qu'Allah, il a deux mains. On a des autres hadiths qui montrent qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Donc, si on dit que le pluriel, il commence par deux, il n'y a aucun problème. قال فإما أن نقول نعم بما ذهب إليه بعض العلماء هذا تقدم وإما أن نقول إن المراد بهذا الجمع التعظيم تعظيم هذه اليد وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. نعم هذا طيب التعظيم مثلا قوله نحن خلقناهم نحن خلقناهم نحن c'est le pluriel c'est nous. Est-ce qu'il y a plusieurs créateurs? Il n'y a qu'un créateur. Lakin l'ulama huna yaqulun c'est min bab at-ta'zim. C'est min bab at-ta'zim. Fa huna c'est la même chose. Fa hada kalamun jamil. Thumma qala rahmatullah alayh. Il a cité des points importants. Et ça ressemble au point que Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala il a cité pour répondre à ahl at-tahrif. Ceux qui ont déformé, qui ont interprété les mains par la force ou la capacité ou les bienfaits. قال رحمه الله وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم. أما المعتزلة والجهمية فنفوا وعطلوا. Ils ont dit Allah سبحانه وتعالى il a pas de main. أما الأشاعرة فحرفوا قال وقالوا لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية بل المراد باليد أمر معنوي وهو القوة أو المراد باليد النعمة لأن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة فسيبقى ساكو القوم ils ont une شبهة لأن dans la langue arabe tu peux trouver أن le mot main le sens qui est voulu c'est la force أو la capacité أو النعمة ça existe هذا en langue arabe لكن est-ce que les versets qu'on a fait le Coran al-Karim et les hadiths du prophète alayhi salatu salam est-ce qu'on peut les comprendre avec ce sens linguistique ay anna la main ça veut dire la force ou la capacité ou les bienfaits قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a cité certains exemples نعم قال ففي الحديث الصحيح حديث النواس رضي الله تعالى عنه الطويل ان الله يوحي لعيسى أني أخرجت عبادا لي لا يدا لا يدان لأحد بقتالهم. قال والمعنى لا قوة. قوله لا يدان. زي ما ركز المويد. هنا سب معنى لا قوة. dans ce hadith. الحديث اللي في صحيح مسلم كما في الحاشية. donc tu peux trouver le moment qui veut dire la قوة, la force ou la قدرة, la capacité ou النعمة. لكن السؤال est-ce que les versets où Allah subhanahu wa ta'ala il a cité qu'il a des mains, est-ce que tu peux les comprendre comme cela? قال واما اليد بمعنى النعمه فكثير ومنه قول رسول الله او قول رسول قريش لابي بكر لولا يد لك عندي لم اجزك بها نعم لا اجبتك قوله لولا يد لك اي نعمه اي سي tu aurais une ni'mah عندنا فكذا وكذا. Donc هذا المهم ça arrive en langue arabe. Le dernier hadith qu'on vient de lire, il est صحيح البخاري. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجوابنا على هذا من عدة وجوه. Il a cité 5 points pour montrer que le fait de déformer, d'interpréter les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala par la force ou par la capacité ou par les bienfaits en se basant sur un des sens en langue arabe du moment, فهذا c'est faux. قال أولا أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ. C'est toujours la même réponse. C'est pour ça qu'on doit retenir ces réponses. أن dans le Coran Allah سبحانه وتعالى قال بل يداه لما خلقت بيدي. Donc ça contredit le lفظ du Coran. أي les mots qui sont cités dans le Coran. هذا أولا. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف. L'unanimité des salafs, ils n'ont pas interprété les mains par la force ou la capacité ou les bienfaits. وهذا كذلك ça revient souvent. ثالثا, troisième point, أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله لما خلقت بيدي لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط. وهذا تقدم. C'est ce qu'on a vu من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Si tu expliques يدي par نعمتي, ça veut dire que Allah سبحانه وتعالى il a deux bienfaits. Et هذا c'est très très grave. Et كذلك la force et كذلك القدرة. رابعا, quatrième point, أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس. وهذا كذلك تقدم من كلام الشيخ الفوزان. أي est-ce qu'il y aurait une différence entre Adam et Iblis dans le fait que Adam il soit créé avec les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la capacité, فكذلك Iblis, il a été créé هكذا. Donc il n'y aurait aucune différence. Ces points, en fait, ils ressemblent à ce que Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, il a cité. خامسا, le dernier point, أن يقال إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة. فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين. Est-ce que on peut qualifier la force de force droite. Rappelez-vous du hadith, قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. Les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est deux mains droites. Et on en fait une précision. Anna, on ne doit pas comparer la créature à Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله سبحانه وتعالى il a deux mains droites. Si واحد veut عيدن بالله يتصور هذا ou il compare la créature, ça va lui faire beaucoup de mal. Et c'est ce qui est arrivé à Haoula. Ils n'ont pas réussi à comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains droites et il ne ressemble pas à la créature. Et avoir deux mains droites pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une perfection. Donc on dit Allah, il a deux mains droites. Pourquoi? أعلم الناس بالله عز وجل سي لو بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام et il a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains droites. فأين الإشكال؟ Il n'y a aucun problème. On revient à ce point, est-ce qu'on peut qualifier la force de droite? Tu peux pas, ça veut rien dire une force de droite. Est-ce que tu peux qualifier les bienfaits, un bienfait droit, et droit par rapport à la gauche? Tu peux pas. Est-ce que tu peux qualifier la capacité, une capacité droite et une capacité gauche? Ça n'existe pas. Donc ça nous montre que le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال بل كلتا يديه يمين, c'est des vraies mains. كذلك القبض والبسط والكف مثلا dans le hadith qu'on a vu précédemment ان الله سبحانه وتعالى يقبض او يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والارض بيده الاخرى يطوي يطوي c'est le fait de plier et dans d'autres adila يقبض le fait de prendre de plier et الله سبحانه وتعالى pliera les mains, les cieux avec sa main. Est-ce que tu peux qualifier la force ou la capacité ou les bienfaits ils peuvent plier? Tout ça, c'est ma'ani. Les mains ta'ammal ou tadabbar, ça nous montre que Allah, Jalla wa Ala, il a des vraies mains. نعم قال شيخ ابن عثيمين فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا المراد باليد القوة باطل من عدة وجوه أو من عدة أوجوه. On vient de résumer les 5 points que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité rahmatullah alayhi. Fa hada wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal on résume fa Allah subhanahu wa ta'ala nuthbit lahu sifat al-yadayn. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves min al-Qur'an. Qawluhu 'azza wa jalla bal yadahu mabsuutatan wa qawluhu lima khalaqtu bi yadayya. On a des preuves min as-sunnah kilta yadayhi yamin. Kadhalik on a l'unanimité des salaf. Et aucun parmi ha'oula ils ont expliqué les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala par la capacité ou la force ou les bienfaits. Et si ça serait le haq, les sahaba radiyallahu anhum ils nous auraient expliqué. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il était connu pour tafsir le Coran. Si il aurait fallu nous montrer hada et ce sens, il l'aurait su et il nous l'aurait dit. Wa hakadha بقية الصحابة رضي الله عنهم فتوس راسا ومونتر que الله سبحانه وتعالى il a des vraies mains. أما le fait d'expliquer par la capacité ou les bienfaits ou la force, on vient de voir ensemble les points que Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه il a cité pour montrer que c'était totalement faux. Et on répète هذا الباب, on doit s'écarter de plusieurs choses. التمثيل, vous vous rappelez du début أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى il a précisé أن أن مذهب السلف إثبات الصفات لكن يسكت de 4 choses. التمثيل c'est très très grave, ne fait pas de comparaison. فلا يقاس بخلقه عز وجل, الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, ne fait pas cette comparaison. كذلك fais attention au تكييف مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين, et essaye de trouver un comment, tu trouveras pas de comment. الله سبحانه وتعالى il est parfait, il fait ce qu'il veut, il a deux mains. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que c'est deux mains droites, on se soumet. Kadhalik, fais attention au ta'til de rejeter, fais attention au tafwid et au takif et au tahrif de déformer. Dire les mains, ça peut pas être des vraies mains. Et fait le haqqa, le tahrif, c'est les conséquences du tamthil. Les mains là, harrafou. Pourquoi ils ont déformé? Les annahum, ils ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu dis qu'il a des mains, c'est une ressemblance aux créatures, fa harrafou. والله المستعان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وانتهينا. نعم كلام الشيخ ابن عثيمين. On revient au متن. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Ces versets, c'est pour montrer أن الله سبحانه وتعالى نؤمن أنه إلى صفة العينين, أي أن الله سبحانه وتعالى إلى des yeux. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله فإنك بأعيننا. On lit son explication du shahid faqat. Aïe, dans le verset, قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال حفظه الله تعالى بأعيننا أي بمرأة منا وتحت حفظنا فلا تبالي بأذاء الكفار فإنهم لا يصلون إليك. قال الله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك. نستفيد من هذا أن celui qui place sa confiance en Allah عز وجل ويصبر et patient et il obéit à Allah سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يحفظه. Allah سبحانه وتعالى il le voit, il le préservera. فقط on doit faire les causes. فلهذا قال الشيخ الفوزان فلا تبالي بأذى الكفار. سواء الكفار أو أهل البدع أو أهل التحزب أو كائن من كان من الأعداء. Et il veut te faire du mal. Et أنت tu suis le droit chemin. Et tu n'as pas été injuste. فابشر. واصبر. Patiente. فالعاقبة للمتقين. قال فإنهم لا يصلون إليك. Ça c'est très très important. On doit placer notre confiance en Allah سبحانه وتعالى. قوله عز وجل تجري بأعيننا dans le deuxième verset وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي السفينة قال أي بمنظر ومرأة منا وحفظ لها. Donc ces deux versets, نعم, il manque le troisième. قوله ولتصنع على عيني قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أي ولتربى وتغدى بمرأة مني أراك وأحفظك. Un تنبيه هنا. Vous avez remarqué que الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى dans les trois versets il a expliqué par الرؤية قال أي بمرأة منا أي أن الله سبحانه وتعالى يراه. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال il a fait un tambih important. فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأة منا وفسره بذلك أئمة سلفيون معروفون وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع فما الجواب؟ هذا سؤال طيب. C'est une très bonne question. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل كما قال شيخ الفوزان بأعيننا vous l'expliquez par le fait de voir. Alors, certains imams disent أن الله سبحانه وتعالى يراه ويحفظه il le voit, il le préserve. Alors, eux ils disent que c'est une déformation. الله سبحانه وتعالى il a des yeux, si c'est des vrais yeux فدit c'est des vrais yeux. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال الجواب أنهم فسروها باللازم. هؤلاء الأئمة فسروها باللازم أي الله سبحانه وتعالى s'il a des yeux أو plutôt s'il voit c'est qu'il a des yeux. Et c'est ça وجه الشاهد من الآية قوله بأعيننا أي أن الله سبحانه وتعالى il le voit avec ses yeux. فبعض الأئمة فسروا الآية باللازم قال مع إثبات الأصل. Et c'est ça la différence entre طريقة السلف et طريقة الخلف من أهل الأهواء ceux qui déforment هذه الصفات أو للصنص. فمثلا شيخ الفوزان قوله حفظه الله تعالى سيون غبخ فإنك بأعيننا قال أي بمرأة منا وتحت حفظنا أي أن الله سبحانه وتعالى il le voit et il le préserve. Est-ce que شيخ الفوزان حفظه الله تعالى il rejette le fait que Allah سبحانه وتعالى il a des yeux؟ أبدا. بل il explique الواسطية et il va montrer clairement في الشاهد قال أن فيها إثبات العينين. Il y a إثبات العينين et les deux versets ou tous ces versets plutôt tu comprends que Allah سبحانه وتعالى il a des yeux. لكن tu peux trouver في تفسير بعض العلماء من السلف ou ceux qui sont venus après أنهم يقولون بمرأة أي أن الله سبحانه وتعالى il voit. هذا c'est من اللازم s'il a des yeux c'est qu'il voit. Contrairement à أهل البدع والضلال eux ils disent Allah سبحانه وتعالى il a des yeux أي ça veut dire qu'il a صفة البصر لأنهم يثبتون صفة السمع والبصر. Ils acceptent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la vue, annahu il voit et il entend. Lakin les yeux ils rejettent. Vous avez compris la différence. Si tu trouves un imam min a'immat as-sunnah, il explique qawluhu matalan bi a'yunina par ru'ya, i'lam annahu si c'est un imam de la sunnah, il a expliqué par lazim en acceptant l'attribut contrairement aux égarés. Hada, c'est un point important qu'on voulait souligner هنا. قال العلامة شيخ الفوزان حفظه الله تعالى والشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه، فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة كما تقدم. أي on avait vu أن الله سبحانه وتعالى في القرآن il a cité la main au singulier et la dualité yada et le pluriel. Vous vous rappelez, on avait dit le singulier al-mufrad idha udhifa fa yufid al-umum, ça englobe toutes les mains qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a, et on sait qu'il a deux mains. Et le pluriel, on sait que le pluriel, ça commence par deux. En langue arabe, il y a un avis sur cela. Aw c'est min bab at-ta'dhim. Fahada, c'est la même chose huna pour sifat al-aynayn. Donc on répétera pas. Qala فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنى. Donc c'est la même chose pour صفات العينين, les yeux. Tu trouveras des adillah au singulier, la dualité et le pluriel. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. قوله عز وجل ولتصنع على عيني. Vous avez remarqué que هنا le mot عين il est cité au singulier. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. أي النبي صلى الله عليه وسلم quand il a cité المسيح الدجال, il a démontré عليه الصلاة والسلام أن الدجال il est borgne, et le borgne c'est celui qui lui manque un œil, donc il a qu'un œil. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور. Qu'est-ce que tu comprends من هذا؟ Comme ils ont compris السلف أن الله سبحانه وتعالى il a pas qu'un œil, il en a deux. الله سبحانه وتعالى il est pas bon. عز وجل. Donc tu comprends من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى il a deux yeux. فقوله ولتصنع على عيني. Vous avez remarqué que عين il est singulier et il y a une إضافة avec le يا. فهنا يا إفادة للعموم كما نرى pour لفظ اليد. فقوله ولتصنع على عيني أي les yeux que Allah سبحانه وتعالى il a, et on sait qu'il a deux yeux عز وجل avec la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه il a détaillé قليلا. قال وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين أو هذا سيأتي معنا. وقعد أولا ما ذكره بعبره حسكم ينسيته ويكفي كلام شيخ الفوزان سيلة واضح. ثم شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغمي أصن كلام قال وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين. تأملوا انحرف هؤلاء. Ils ont dit قوله بأعيننا et tous les versets qu'on vient de lire ensemble. المراد هي الرؤية أي أن الله سبحانه وتعالى يفوى. فتستفيد من هذا أن الأشاعرة المحرفة يزاكسبت لاتخيبو دو البصر وكذلك دو السمع. فهم يزون دي قوله بأعيننا إتو لي فيرسي كوميان دو ليغ المراد هي الرؤية أن الله يفوى. أما العين لوي لاتخيبو دو لوي فكم دابيتود يديس كو سي تو ديك الله سبحانه وتعالى إلى أن أوي تو لو في رسومبل على كرياتور. قال ولكن وقالوا بأعيننا برؤية منا ولكن لا عين, والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا. هذا قول المحرفة. شيخ ابن عثيمين rapporte la parole des égarés في هذا الباب. لأن العين جزء من الجسم, فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسما. يديز هم سي تو دي كو الله إلا أن أوي لوي سي اون بارتي سي اون بارتي سي ان مومبر سي ان أورغان. Et eux disent, si tu dis ça, ça veut dire que tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est fait de plusieurs membres ou de plusieurs parties, iyadam billah. Limada yaqulun hadha al-kalam al-shani'a. Pourquoi ils disent ces paroles très très graves? Les annas da'iman, ils font le lien, ils font la comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'azim, c'est l'akbar. Allah, il est akbar min al-makhlouq, il est a'azim. C'est incomparable. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ ابن عثيمين وهذا شيء ممتنع. هذا قولهم. فلا يجوز، ولكن ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك. هذا قول خطير. Le fait de rejeter l'attribut de l'œil en prétendant que le sens c'est la vue, قال الشيخ ابن عثيمين فنقول لهم هذا القول خطأ من عدة أوجه. أولا، le premier point أنه مخالف لظاهر اللفظ. Ces points reviennent souvent, c'est les mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala قال بأعيننا. Il a bien précisé l'attribut de l'œil. Enfin, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'œil. Et on sait qu'Allah, il a deux yeux avec la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Le deuxième point, annahu mukhalifun li'ijma' as-salaf. Est-ce que salaf, ils ont rejeté cet attribut? Abadan. Bel, salaf, ils ont accepté al-Qur'an. Min awwalihi ila akhirihi. Ils ont accepté la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Inna rabbakum laysa bi'awar. Et celui qui n'est pas awar, qui n'est pas born, c'est qu'il a deux yeux. Il y en a le bon, c'est celui qui n'a qu'un œil. قال الثالث أنه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية. يا أكن دليل على هذا. ils ont pas de dalil هؤلاء. ils ont qu'une chose. ils s'accrochent à cette chose. ils prétendent que si tu dis qu'Allah il a l'attribut, tu fais ressembler à la créature. ils ont que cette chose. cette chose tu réponds avec la parole d'Allah subhanahu wa taala ليس كمثله شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'il a l'attribut de l'œil, il a deux yeux, azza wa jal, et il nous a informé qu'il ne ressemble pas à la créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, kalamuhu c'est le haq, il n'y a aucune contradiction. قال الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية. نعم، نحن نكسبت لدو ونكسب qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, on accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voit. لماذا؟ لأن صاحب الحق il accepte جميع الأدلة et يتهم نفسه s'il comprend mal. Il se remet en question s'il n'arrive pas à comprendre et il revient aux imams de cette communauté et il revient à la source, au Coran et à la Sunna, et il revient à la compréhension des sahaba radiyallahu anhum. C'est la seule voie pour eux comprendre et ne pas s'égarer fi hadha al-bab al-azim. On peut citer un autre ishkal pour finir. قوله عز وجل بأعيننا قال شيخ ابن عثيمين dans son sharh فإن قيل بماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا. On répète le verset. قال عز وجل تجري بأعيننا قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي ذات ألواح c'est du bois ودسر c'est des clous، والمراد هنا c'est السفينة، أي c'est l'arche de Nuh. تجري بأعيننا، تجري أي ce bateau il avançait بإذن الله عز وجل، et Allah سبحانه وتعالى il les voyait, il les préservait إلى آخره. لكن قوله أنا رب أعيننا قال شيخ ابن عثيمين نفسرها بالمصاحبة. إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك ولا تنفك عنه، فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بالسوء. هذا المعنى الصحيح بأعيننا، أي أن الله سبحانه وتعالى إلا هو الباء هنا سل المصاحب. أنت بعيني أي تصحبك، أي مني يتفوى هنا سل المصاحبة. المصاحبة يترجمون متعمو par en compagnie de. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a vus. Et il les voyait, Azza wa Jal. قال ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية. Il y a un autre باء, c'est باء الظرفية. باء الظرفية, ça veut dire, مثلا فلاني, est-ce que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité un exemple? نعم, قال إنه كان في عين الله قبل ذلك. On relit son كلام. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله وهذا محال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا، وهذا وجه آخر في بطلان دعوة أنه ظاهر القرآن إلى آخره. donc si واحد يكمخه par le باء الظرفية et ça arrive en langue arabe باء الظرفية. نعم باء الظرفية ça veut dire à l'intérieur, c'est comme في dedans. Est-ce que quelqu'un peut comprendre bi'ayunina? Est-ce que quelqu'un peut comprendre bi'ayunina que l'arche de Noé, alayhi salatu salam, elle était dans l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala? La ahad yafham hada. La ahad. C'est pour ça que dans ce cas-là, tu reviens à la langue arabe et le bas, c'est le musahab. Et tu peux pas comprendre le Coran avec un kalam batil. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maintenant, si on prend l'exemple de Nuh alayhi salam, بأعيننا, le verset concerne Nuh. Est-ce que Nuh il était sur terre ou là? Nuh il était sur terre, on est tous d'accord. Même هؤلاء الأشاعرة الضلال ils vont dire نعم. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est sur terre? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala قال الرحمن على العرش استوى. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa créature. Donc, tu ne peux pas comprendre que l'arche de Noé, elle était dans l'œil d'Allah, Azza wa Jal. Voilà, et il dit, « Bihada ahad, mimman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, min al-uqala, personne ne dit hada. » Donc, ça nous montre bien que « Qawluhu bi-a'yunina, al-bahuna, c'est l'il-musahaba. » Mais on fait une précision, on cite ce genre de détails dans ce livre, « Limada, li-anna, on a déjà étudié avec nos frères, dans cette série de cours sur l'aqidah, plusieurs livres. On a étudié l'iqtisad fi l'i'tiqad. Bel qabla dhalik, on avait étudié l'lamiyya, thumma on a repris les cours et on a commencé par l'iqtisad fi l'i'tiqad de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi, rahmatullah alayhi. C'est un livre très très important. Walillahi alhamd, on le propage en ce moment. Donc on conseille nos frères qui écoutent et peut-être qu'ils ont un peu de mal à suivre dans certaines masaïl de commencer par le premier livre. Il est très très important. Thumma, après l'iqtisad et l'i'tiqad, on a étudié le qawaid al-mutla de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Des règles très très importantes dans ce domaine, cette matière, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Thumma, ba'da dhalik, on a expliqué les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, la risala de Cheikh Sa'di, rahimahullah. Thumma, le quatrième livre, c'est Hadal Kitab, c'est pour ça que on essaye de détailler qalilan. Fanas'alu Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq wa sadat. Et on passe à notre prochain dars, bi idnillahi azza wa jalla.